Je me suis fait dans la rue, c'est là que j'ai fait mes armes. Mon cœur est démoli, voilà l'état de mon âme. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas. Grâce à Dieu je suis plus le même, grâce à Dieu je vends plus de cam. Je bicrave des CD, plus besoin de compter des grammes. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas. Je suis toujours le même, j'ai jamais joué de rôle. C'est toi mon bras droit, c'est toi mon fusil d'épaule. Chérie, je suis ton homme, donc les gens parlent de nous. Les rues sont remplies de sang, je peux pas me mettre à genoux. Mes frères de la rue sont comme mes frères de sang. J'ai pas beaucoup d'amis, je connais juste beaucoup de gens. J'ai des goûts de luxe, les riches m'ont contaminé. Je veux plus revivre la haine, j'en suis traumatisé. J'étais dans le gouffre, là où tout le monde souffre, où tu prends du ferme parce qu'aucune porte ne s'ouvre. J'ai pris ma vie en main avec mes couilles et mon cerveau. Instagram et Snap, je poste tout sur mes réseaux. Je me suis fait dans la rue, c'est là que j'ai fait mes armes. Mon cœur est démoli, voilà l'état de mon âme. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas. Grâce à Dieu je suis plus le même, grâce à Dieu je vends plus de cam. Je bicrave des CD, plus besoin de compter des grammes. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas. J'aime aussi plaire aux femmes, c'est un de mes gros défauts. Et j'ai ça dans les veines, j'aime flatter mon ego. Donc les femmes parlent de moi, dans Paris y'a des échos. Je bombarde dans ma merco, je vois toutes mes ex dans le rétro. Mais faut les comprendre, je suis devenu une star. Et ça reste un fantasme de coucher avec une star. On choisit pas d'où on vient, mais on choisit où on va. J'ai créé mon chemin, plutôt que marcher ou pas. Je me revois dans ma cellule, avec vue sur la mer. Faut que j'assure la vie de mon fils, sur la vie de ma mère. Je préfère un ennemi fort plutôt qu'un ami faible. Je sais qui fera le mort, je sais qui va me faire. Je préfère être triste et riche que rester joyeux mais pauvre. Je suis pas de ceux qui flippent, je suis de ceux qui osent. Même si je me fais fumer comme XXXTentacion, le jour où je partirai, on oubliera mes bonnes actions. Je me suis fait dans la rue, c'est là que j'ai fait mes armes. Mon cœur est démoli, voilà l'état de mon âme. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas. Grâce à Dieu je suis plus même, grâce à Dieu je vends plus de cam. Je bicrave des CD, plus besoin de compter des grammes. Accepte-moi comme je suis, ma chérie, je ne changerai pas. Ce soir je vais faire du bif, désolé je ne rentrerai pas.